C'est toi? Allô? Ça a été l'avion? Moi, ça va comme d'habitude. J'ai perdu mes lunettes. Et je retrouve pas le coupon bleu. T'as pas une idée? C'est les yeux qu'il faut remercier, c'est les pieds qu'il faut sentir, c'est les yeux qu'il faut remercier, c'est les pieds qu'il faut sentir. T'aurais pas une solution pour moi? Avec les filles. Ouais non parce que. C'est les yeux qu'il faut remercier. C'est les pieds qu'il faut sentir. C'est les yeux qu'il faut remercier. C'est les pieds qu'il faut sentir. Non mais c'est pas pour moi, c'est pour un ami. T'aurais pas un peu de vinaigrette, s'il te plaît? Non? Bon.